إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé l'exégèse de Sourate Al-Waqi'ah, Sourate l'événement. Aujourd'hui, on entame le tafsir de Sourate Ar-Rahman, Sourate le tout miséricordieux. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc Allah Azza wa Jalla dit, selon le sens de Sourate Ar-Rahman, on est versets 1 à 13. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. L'herbe et les arbres se prosternent. Quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits et aussi des palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? C'est-à-dire, ô vous les djinns et les humains. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة الرحمن وهي مكية. L'explication de سورة الرحمن qui est une sourate mécoise. هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية، وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc Cheikh Al-Sa'di rahimahullah, en guise d'introduction, dit que cette sourate, cette noble sourate, Allah subhanahu wa ta'ala l'a commencé par son nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, un nom qui prouve l'étendue de la miséricorde d'Allah azza wa jal, prouve sa bienfaisance qui englobe toute chose, sa bonté considérable subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jal cite ce qui prouve sa miséricorde et les conséquences et les traces de cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait parvenir à ses serviteurs parmi les bienfaits religieux, les bienfaits mondains, ainsi que les bienfaits dont ils bénéficieront dans l'au-delà. Et après qu'Allah azza wa jal ait cité chaque catégorie de bienfaits dont jouissent les êtres vivants, Allah azza wa jal alerte les djinns et les humains afin qu'il soit reconnaissant envers lui, et il dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous verrez que cette parole sera dites par Allah Azza wa Jal à chaque fois qu'il citera une catégorie de bienfaits dont il comble ses créatures. ثم قال الشيخ السعدي فذكر أنه علم القرآن أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن ألفاظ وأحسن تفسير مشتمل على كل خير زاجر عن كل شر. الله عز وجل أدي كلا enseigner le Coran, c'est-à-dire qu'il a enseigné le Coran à ses serviteurs. Il a enseigné les termes du Coran et les sens du Coran. Et Allah Azza wa Jal a facilité, c'est-à-dire les termes et les sens du Coran, il les a facilités pour ses serviteurs. Et ceci, c'est-à-dire le fait qu'Allah Azza wa Jal ait enseigné le Coran, est un des bienfaits les plus immenses. Et c'est une miséricorde par laquelle Allah Azza wa Jal fait miséricorde à ses serviteurs lorsqu'il a descendu sur eux un Coran en langue arabe, un Coran doté des phrases les plus belles et qui a les sens les plus beaux, un Coran qui comporte tout le bien, un Coran qui repousse tout le mal. خلق الإنسان في أحسن تقويم كامل الأعضاء مستوفي الأجزاء محكم البناء قد أتقن البديع تعالى خلقه أي إتقان وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في ضميره وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. Il a créé l'homme, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a créé l'homme dans sa forme la plus parfaite, l'être humain qui a ses membres complets, qui est constitué de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de façon parfaite et méticuleuse. Et Allah Azza wa Jal a distingué l'être humain des autres animaux en, lorsqu'il dit « allamahu al-bayan », lorsqu'il lui a appris à s'exprimer clairement. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a appris à l'être humain de pouvoir exprimer ce qu'il y a dans son fort intérieur. Ainsi, ce que tu penses, ce que tu as comme idée, ce que tu as comme sensation, ce que tu as comme émotion, eh bien, tu as la possibilité d'exprimer cela. Et ceci englobe l'enseignement lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a appris, c'est-à-dire à l'être humain, à s'exprimer clairement. Allah Azza wa Jal lui a appris de façon orale et écrite. Le fait donc que l'être humain puisse s'exprimer clairement est une des choses qui distingue l'être humain des autres. Et c'est sans doute un bienfait immense dont Allah Azza wa Jal, par lequel Allah Azza wa Jal a comblé l'être humain. الشمس والقمر بحسبان أي خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب متقن وتقدير مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم ليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم وليعرف العباد عدد السنين والحساب. الشمس والقمر بحسبان. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a créé le soleil et la lune. Et Allah Azza wa Jal a donné au soleil et la lune une trajectoire qui, selon un calcul précis et minutieux de sa part, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. Et Allah azawajal a créé le soleil et la lune et a fait en sorte qu'ils se déplacent selon une trajectoire extrêmement précise afin que les serviteurs puissent bénéficier de nombreuses bonnes choses et afin également que ses serviteurs puissent connaître le nombre d'années et le calcul, c'est-à-dire le calcul du temps. Nul doute que le soleil et la lune suivent une trajectoire bien connue, une trajectoire qui est minutieuse, et nul doute que l'alternance de la du jour et de la nuit est due justement à cette trajectoire minutieuse du soleil. Et le fait que les jours et les nuits s'alternent apporte énormément de bénéfices pour les serviteurs d'Allah. Ne serait-ce que travailler le jour et dormir la nuit, sans parler de tous les bénéfices qu'il y a dans le jour et la nuit et l'alternance des jours et de la nuit dans les animaux, dans les cultures, dans les océans, etc. Et en parlant des océans, il y a aussi également la lune. Le fait que la lune suive une trajectoire bien précise et qu'il y ait les grandes marées et les petites marées, tout ceci apporte des bénéfices innombrables dont jouissent les êtres humains et beaucoup sans même s'en rendre compte. والنجم والشجر يسجدان أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخشع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم والسماء رفعها سقفها للمخلوقات الأرضية ووضع الله الميزان والنجم والشجر يسجدان. Les étoiles et les arbres se prosternent. Cheikh Hussaini rahimahullah dit, c'est-à-dire les étoiles du ciel et les arbres de la terre. Ils connaissent leur Seigneur et se prosternent à lui, subhanahu wa ta'ala. Ils obéissent et craignent leur Seigneur et se soumettent à ce qu'Allah azawajal a permis à travers eux comme bénéfice pour les serviteurs. Car les arbres ont un bénéfice pour les êtres humains, ne serait-ce que de leur apporter de l'oxygène. Et les étoiles également ont un bénéfice pour les êtres humains. Les bénéfices sont de pouvoir se guider. Les étoiles sont aussi un embellissement du ciel et sont des projectiles pour les diables. Donc, les étoiles et les arbres obéissent et s'humilient devant Allah Azzawajal et se soumettent à Allah Azzawajal pour apporter les bénéfices aux êtres humains qu'Allah Azzawajal apporte aux êtres humains à travers les étoiles et les arbres. Et il y a d'autres mufassirin qui ont dit que un najm ici, ce n'est pas les étoiles, mais ce sont les plantes qui n'ont pas de tronc. Ce sont les plantations qui n'ont pas de tronc. Et cela est rapporté notamment par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu en disant que un najm alladhi lahu saq alladhi laysa lahu saq والشجر الذي له ساق. Que un najm, c'est ce qui n'a pas de tronc, et l'arbre, c'est ce qui a un tronc. Autrement dit, les plantes qui poussent de la terre, qui n'ont pas de tronc, sont considérées comme un najm. Pour cela que dans la traduction, vous voyez qu'ils ont traduit par l'herbe et les arbres se prosternent. L'herbe, ce n'est pas une traduction précise, car l'herbe, effectivement, c'est une plantation qui n'a pas de tronc. Mais ce n'est pas la seule. Est-ce qu'il n'y a que l'herbe qui pousse sans tronc? Non, Donc il y a la traduction serait plus des plantes sans tronc, si on voudrait être précis. L'imam Nukathir, rahimahullah, dit dans son tafsir, et ça c'est une parenthèse, concernant ce verset « وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ » L'imam Nukathir dit, rahimahullah, « قَالَ ابْنُ جَرِيرِ » en parlant de l'imam ibn Jarir al-Tabari. اختلف المفسرون في قوله والنجم بعد إجماعهم على أن الشجرة مقام على ساق فروى عن علي فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال النجم من بسط على وجه الأرض يعني من النبات وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وقال مجاهد النجم الذي في السماء وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Donc l'imam Ibn Kathir رحمه الله dit, l'explication de ce verset de sourate Ar-Rahman, قال ابن جرير, c'est-à-dire l'imam Tabari, que les exégètes, les mufassirun du Coran ont divergé sur la parole d'Allah Azza wa Jal, wal-najm. Après qu'il soit unanime que l'arbre, c'est tout ce qui est, repose sur un tronc. Ali ibn Abi Talha rapporte de Abdullah ibn Abbas qu'il a dit « Al-najm, c'est ce qui sort de la surface de la terre, c'est-à-dire comme plantation. » Et ainsi a dit Saïd ibn Jubayr, « Wassoudi wa Sufyan al-Thawri » Et c'est notamment l'avis qu'a choisi Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah. Puis, l'imam Nukathir dit, et Mujahid a dit, « Al-Najm, c'est ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire les étoiles. » Al-Najm, ce sont les étoiles. Et Mujahid, c'était qui? Un élève de qui? D'Abdullah ibn Abbas. Mujahid, c'était un élève de Abdullah ibn Abbas. Et l'imam Ibn Kathir dit « وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْأَظْهَرُ » Et cette parole est celle qui est la plus apparente, celle qui apparaît la plus plausible. C'est-à-dire le fait que ce soit les étoiles. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le verset 18 de Surat Al-Hajj « N'as-tu pas vu que se prosterne à lui, c'est-à-dire à Allah, n'as-tu pas vu que se prosterne à Allah tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, wal-jibal, les montagnes, wal-shajar, les arbres, wal-dawab, toutes les bêtes, wa-kathirum minan-nas, et beaucoup parmi les êtres humains. Donc c'était une parenthèse concernant ce verset وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ pour que vous compreniez pourquoi est-ce que dans les traductions françaises vous verrez l'arbre et sachez qu'il y a une divergence des mots fascinés. Certains disent ce sont les plantations qui n'ont pas de tronc et d'autres savants ont dit que ce sont les étoiles et c'est notamment l'avis vers lequel tend Cheikh Sa'di rahimahullah. Puis il dit « وَالسَّمَا رَفَعَهَا » Quant au ciel, il l'a élevé bien haut. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a élevé le ciel au-dessus des créatures terrestres. وَوَضَعَ اللَّهُ الْمِيزَانَ أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال وليس المراد به الميزان المعروف وحده بل هو كما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها الجهات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم ولهذا قال أن لا تطغوا في الميزان أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم ولفسدت السماوات والأرض وأقيموا الوزن بالقسط أي اجعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليه مقدورتكم وإمكانكم، ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور والظلم والطغيان. والأرض وضعها أي على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها للأنام أي للخلق لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بها، يحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا، وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. Donc il dit rahimahullah en expliquant le verset wawada al-mizan, et Allah Azza wa Jal a établi la balance, c'est-à-dire qu'Allah a établi la balance, c'est-à-dire la justice entre ses serviteurs dans les paroles et dans les actes, dans les paroles et dans les actes. Et le but ou ce qui est voulu dans ce verset, ce n'est pas la balance uniquement. Ce n'est pas la balance en tant qu'instrument, mais c'est la justice de façon générale. Entre dans ce terme al-mizan, la balance qui est connue, al-mikyal ou la daytukal ou bihi al-ashya wal maqadir, les instruments de mesure avec lesquels l'on mesure les choses, wal masahat allati tudbatu التي تضبط بها المجهولات، et également les les distances à travers lesquelles on peut déterminer la taille des terrains par exemple. Également la justice al-mizan englobe également les réalités à travers lesquelles l'on juge et l'on scinde entre les serviteurs. Les réalités également qui permettent d'établir la justice entre eux. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Alla tatraw fil mizan » afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. C'est-à-dire qu'Allah a fait descendre al-mizan. Al-mizan, c'est-à-dire la justice. Afin que vous ne dépassiez pas les limites, car si cela dépendait de vos raisons et de vos avis, eh bien il y aurait des manquements que seul Allah Azza wa Jal, dont seul Allah Azza wa Jal pourrait connaître l'étendue, et les cieux et la terre se seraient certes corrompus. Wa aqimul wazna bil qist, donnez toujours le poids exact, c'est-à-dire, faites en sorte que lorsque vous pesez une chose, de la faire de façon juste autant que cela vous est possible. Wala tukhsirul mizan, et ne faussez pas la pesée. C'est-à-dire, ne faites pas le contraire et ne réduisez pas. Et également, cela englobe l'injustice. Ne soyez pas injuste et ne dépassez pas les limites. Puis Allah Azza wa Jal dit « Wal arda wada'aha » quant à la terre, il l'a étendue. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a étendu la terre dans sa grandeur et a fait en sorte que celle-ci soit stable et qu'elle soit de différentes nature et de différentes wartilaf et ahwaliha, et qu'elle soit dans différentes situations, que la terre soit grande, stable et d'apparence diverse, ainsi que de situations et de cas diverses. Wada'aha lil anam, Allah Azza wa Jal, cette terre, il l'a étendue pour qui? Pour les êtres vivants. Pour les êtres vivants afin qu'ils vivent dessus, afin que cette terre soit pour eux un sol dans lequel ils puissent construire, une terre qu'ils peuvent labourer une terre qu'ils peuvent cultiver, une terre sur laquelle ils peuvent construire des routes qu'ils parcourent. Une terre également dont ils profitent de ses matériaux et de l'ensemble de ce qu'elle contient. Des choses qu'elle contient dont les êtres humains ou les êtres vivants ont besoin ou des choses qui sont pour eux nécessaires. ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال فيها فاكهة وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك والنخل ذات الأكمام أي ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يؤكل ويدخر يتزود منه المقيم والمسافر وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه والحب ذو العصف أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك والريحان يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص ويكون الله قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. Puis Allah Azza wa Jal a cité les denrées nécessaires en disant fiha fakiha. Il s'y trouve des fruits, c'est-à-dire où se trouvent les fruits? Sur la terre qu'Allah Azza wa Jal a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, c'est-à-dire l'ensemble des arbres qui donnent des fruits que consomment les serviteurs, comme raisins, comme figues, comme grenades et pommes, et bien d'autres fruits. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ Et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, c'est-à-dire des fruits qui sont enveloppés d'une pellicule qui se fend du régime et qui sort petit à petit jusqu'à se compléter. Ici, Cheikh Saadi parle de quel fruit? De quel arbre déjà? Du palmier. Alors, Azawajal parle du palmier. Du palmier aux fruits recouverts d'enveloppes. Les fruits du palmier, ce sont les dattes. Et les dattes, avant qu'elles ne sortent, elles sont recouvertes d'une pellicule dans le régime. Dans le régime de la datte, c'est ce qu'on appellerait pour des raisins une grappe. On parle de grappe de raisin, mais on parle de régime de datte. Le régime est au début une forme de pellicule. C'est un gros morceau recouvert d'une pellicule. Et les dattes, lorsqu'elles grandissent, elles percent cette pellicule. Elles percent cette pellicule, puis elles commencent à ressortir et à apparaître dans le régime jusqu'à être complètes. Ensuite, lorsque la date sort et est complète, Cheikh Saadi dit, فَتَكُونُ قُوتَنُ أُكَلُوَيُ الدَّخَرِ Elle devient alors une denrée qui est mangée et qui peut être stockée et préservée. C'est pour ça qu'il y a les dates séchées. Les dates séchées, elles peuvent rester des mois, des années. Des années. Les dates, lorsqu'elles sont séchées, on peut les garder des années et les consommer. Bien sûr, elles n'ont pas le même goût et les mêmes valeurs nutritives qu'une datte mûre, mais c'est un fruit que l'on peut soit consommer directement en étant mûr et frais, ou soit de pouvoir le sécher et le préserver ainsi. Un fruit dont profite le résident ainsi que le voyageur. Un fruit qui est extrêmement succulent et délicieux. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ. Puis Allah Azza wa Jal dit وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ. Tout comme les grains dans leur balle. Tout comme les grains dans leur balle. Qu'est-ce que la balle d'un grain? C'est pas le noyau, non. Presque l'enveloppe. La balle du grain, c'est une sorte de tige. Une sorte de tige avec une enveloppe. C'est pour ça que Cheikh Saadi dit « Aïdhu saq alladhi yudas ». C'est une sorte de tige qui est broyée. Car la balle, pour extraire le grain, il faut la broyer. Pour cela qu'ils utilisaient à l'époque les animaux pour broyer les grains avec leurs sabots. Et cette balle, la balle du grain, servait à nourrir le bétail. Et entre dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Al-Hab, le grain, cela englobe le grain de blé, le grain d'orge, le grain de maïs, le grain de riz, et Cheikh Saadi dit Ad-Dukhn. Qu'est-ce que Ad-Dukhn? Ad-Dukhn, c'est le millet. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le millet? Qui sait ce que c'est le millet? Le millet, c'est une sorte de céréale qui ressemble au blé, mais le millet a une forme arrondie. Il a une forme arrondie. Et c'est un céréale qui pousse dans les régions semi-arides, notamment en Asie, en Inde, au Moyen-Orient, etc. والريحان est la plante aromatique. Ici, Cheikh Saadi, rahimahullah, dit que il est possible que ce qui est voulu par al-Rayhan, et ça on l'a vu dans Sourate Al-Waqi'ah, wa rawhun wa Yunus. Dans Sourate Al-Waqi'ah. Wa rawhun wa rayhan. On a vu que al-Rayhan, Cheikh Saadi dit, c'est soit ce qui est voulu par cela, ce sont l'ensemble des choses que consomme l'être humain. Et que ici Allah Azza wa Jal aurait cité Ar-Rayhan pour parler, en ayant parlé de choses précises, puis en terminant par une chose générale. Min babi al-atfi, min babi atfi al-am ala al-khas. Ainsi, le sens serait qu'Allah Azza wa Jal comble de bienfaits l'ensemble de ses serviteurs par différentes denrées et différentes formes de pourvoyance qui soient précises et qu'elles soient précises ou générales. Et le deuxième sens de Ar-Rayhan, il est possible que ce qui est voulu par Ar-Rayhan, ce sont les plantes aromatiques, donc les plantes qui donnent du goût ou qui ont une odeur. Quand on dit aromatique, c'est qui ont un arôme, soit un arôme qui est diffusé dans la nourriture, ou soit des plantes qui émettent et dégagent une bonne odeur. Pour ça que Cheikh Saadi dit, il est possible que ce qui est voulu par Ar-Rayhan, ce soit la plante aromatique qu'Allah Azza wa Jal a accordé à ses serviteurs pour leur permettre de connaître différents parfums, différentes senteurs somptueuses qui réjouissent les cœurs. ثم قال الشيخ سعدي رحمه الله ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر وكان الخطاب للثقلين الإنس والجن قررهم تعالى بنعمه فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهذا الذي ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليه ويحمد الله عليها، أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. Donc le cheikh Saadi dit rahimahullah, après qu'Allah Azza wa Jal ait cité un certain nombre, un grand nombre des bienfaits dont il comble ses serviteurs, des bienfaits qui sont constatés par chacun, des bienfaits qui s'adressent aux thaqalayn, aux djinns et aux humains. Allah Azza wa Jal leur fait avouer ses bienfaits, puis il dit « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ». Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? C'est-à-dire, quels bienfaits d'Allah, religieux et mondain, pourriez-vous traiter de mensonges ? Et comme était belle la réponse des djinns lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité sur eux cette sourate, c'est-à-dire sourate Ar-Rahman. À chaque fois qu'il lisait la parole d'Allah Azza wa Jal, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, il disait, c'est-à-dire les djinns, et rien de tes bienfaits, ô notre Seigneur, nous ne traitons de mensonges, à toi la louange. C'est ce qui est demandé au serviteur lorsque les bienfaits d'Allah sont lus sur lui, de les reconnaître et d'être reconnaissant et louer Allah subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits. Et ici, le Cheikh Saadi rahimahullah fait référence un hadith jugé bon par Cheikh l'Albani rahimahullah, rapporté par l'imam Tirmidhi dans ses sunan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité surat al-Rahman sur ses compagnons radiyallahu anhum. Une fois qu'il l'a lu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que lorsqu'il a lu sur les djinns, surat al-djinn, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu surat al-djinn sur les djinns, comme on l'a vu dans surat al-djinn, il a lu également sur eux surat al-Rahman. Et la réaction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la réaction des djinns était meilleure que celle des compagnons radiyallahu anhum. Pourquoi ? Car à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, récitait la parole d'Allah azza wa jal, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, à chaque fois les djinns disaient, rien, nous ne traitons de mensonge aucun de tes bienfaits, à toi la louange, ô Allah. Et Cheikh Saadi dit, et c'est ce qui est demandé au serviteur lorsque sont récités sur lui les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit les reconnaître, il doit être reconnaissant envers Allah et il doit louer Allah azza wa jal pour ses bienfaits. Donc il est légiféré de dire, lorsque ce verset est lu, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, de dire لَا بِشَيْءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدِ. Certains savants considèrent ce hadith daif, mais Cheikh l'Albani rahimahullah le considère, le juge bon, car ce hadith a été rapporté de plusieurs chaînes de transmission faibles. Et le fait que ces chaînes de transmission faibles soient en grand nombre, eh bien, elles se renforcent les unes les autres. Pour cela que Cheikh l'Albani dit, la moindre chose que l'on peut dire sur ce hadith est que sa chaîne de transmission est bonne. ثم قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله عز وجل dit dans les versets 14 à 16 de sourate Ar-Rahman: Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنس وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار الذي طبخ على النار وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس اللعين من مارج من نار أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك منة منه تعالى على عباده قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc Allah عز وجل ici montre son bienfait envers ses serviteurs lorsqu'il leur montre, subhanahu wa ta'ala, l'étendue de sa puissance et la beauté de sa créature. Lorsqu'il a créé le père des êtres humains, qui est Adam alayhi salam, d'argile sonnante comme la poterie, c'est-à-dire d'une terre à laquelle de l'eau a été ajoutée. Et la terre mélangée à l'eau, c'est de la boue. Qui a été travaillée, puis, donc le mélange a été parfait. Le mélange entre la terre et la boue a été parfait. Hatta jaffa, jusqu'à ce qu'il eût séché. Alors, il sonne et émet un bruit qui ressemble au bruit des poteries qui, elles, sont cuites au feu. Les poteries sont faites de terre cuite. Adam alayhi salam a été créé d'une boue qui a séché, et cette boue était parfaite au point que lorsqu'elle sèche, elle émet le même son qu'une poterie qui, elle, a été cuite au feu. وَخَلَقَ الْجَانِ Et il a créé les djinns, c'est-à-dire le père des djinns qui est Iblis, le maudit. Il l'a créé de la flamme d'un feu sans fumée. C'est-à-dire, Cheikh Oussadi dit, c'est-à-dire d'une flamme d'un feu pur. D'une flamme d'un feu pur. Ou une flamme d'un feu mélangé à de la fumée. Et Cheikh Oussadi dit, cela montre la noblesse de l'origine de l'être humain qui a été créé de terre. La terre qui est l'endroit de la sagesse, de la stabilité et des bienfaits. Contrairement à l'origine du djinn, qui est le feu qui est léger, instable, le feu qui est l'endroit du mal et du désordre. Après qu'Allah Azzawajal ait expliqué la création des djinns et des humains et la substance qui les compose, et que cela est un bienfait d'Allah Azzawajal envers ses serviteurs, il dit فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? ثم قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Puis il dit سبحانه وتعالى dans les versets 17 et 18 de sourate Ar-Rahman, Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه وكل ما كان فيه فهي تحت تدبيره وربوبيته. وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفا ومغربها كذلك. Donc ici Allah عز وجل est le Seigneur de tout ce sur quoi le soleil et la lune se lèvent, ainsi que les astres lumineux, et tout sur quoi elles se couchent, et tout ce qui est dessus, c'est-à-dire sur le soleil, la lune et ses astres. Tout ceci est sous le commandement et sous la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit « Rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayn » Le Seigneur des deux levants et le Seigneur des deux couchants. Ici, Cheikh Saad dit qu'Allah azza wa jalla a cité les deux ici pour montrer de façon générale le coucher, le lever du soleil en hiver et en été, et pareil, le coucher en hiver et en été. Pour cela que dans des versets, on a « Rabbul Mashriqayn wa Rabbu al-Maghribayn ». Dans d'autres versets, « Rabbul Mashariqi wal Magharibi ». Le Seigneur des levants et des couchants. Ici, au pluriel. Et ça va, on dit ici, ce qui est voulu, c'est le lever et le coucher de chaque jour. De chaque jour. Car le soleil se lève et se couche tous les jours. Et lorsqu'Allah Azzawajal parle des deux levants et des deux couchants, c'est pour montrer la généralité de l'hiver et de l'été. ثم قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Il dit سبحانه وتعالى dans les versets 19 à 23. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Al-Murad bil-Bahrain, al-Bahru al-Azbu, al-Bahru al-Malih. Fahuma yaltaqiyani kilahuma, fayasubbu al-Azbu fil-Bahri al-Malih. ويختلطان فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان ولكن الله عز وجل جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم والملح به يطيب الهوى ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. Donc il dit, rahimahullah, ce qui est voulu par les deux mers, c'est la mer d'eau douce et la mer d'eau salée qui se rejoignent. La mer douce se déverse dans la mer salée et elle se mélange et fusionne. Et ceci est connu. Qu'est-ce qui se déverse dans les mers? Les fleuves et les rivières. Alors, les fleuves et les rivières, leur eau est douce. Puis il dit, rahimahullah, mais Allah Azza wa Jal a mis une barrière de la terre, de telle sorte que l'une des eaux ne porte pas atteinte à l'autre, et afin que chacune des deux eaux puisse apporter son bénéfice attendu. L'eau douce, c'est de cette eau que les êtres vivants boivent, et c'est de cette eau que sont irrigués leurs arbres et leurs cultures. Quant à l'eau salée, elle permet de purifier l'air. C'est dans l'eau salée que les poissons s'accouplent et se prolifèrent. Et c'est dans l'eau salée que sont présentes les perles et les coraux. Et la mer salée permet aux bateaux de pouvoir naviguer dessus. ولهذا قال pour cela qu'Allah عز وجل a dit, et ici Cheikh Saadi cite les versets 24 et 25 où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et concernant la barrière qu'il y a entre les eaux, certains savants ont dit également que ce qui est voulu par ce verset, ce sont des barrières qu'il y a dans les océans, car il y a des océans où l'eau est plus salée que d'autres. Il y a des mers où l'eau est plus chaude que d'autres. Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte qu'il y ait des barrières entre ces différentes eaux afin qu'elles ne se mélangent pas. Et ces barrières sont des barrières sous forme de courants marins. Donc ce sont des barrières d'eau, mais Allah Azza wa Jal fait en sorte que des courants marins soient présents à ces endroits-là afin que les différentes formes et types, les différents types d'eau ne se mélangent pas. Et ceci est notamment considéré comme un miracle scientifique du Coran, car ces courants marins qui permettent aux différentes eaux de ne pas se mélanger, que c'était une chose qui ne pouvait en aucun cas être connue au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc dans les versets 24 et 25, Allah Azza wa Jal dit: à lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ay wa sakhara ta'ala li'ibadihi as-sufun al-jawari allati tamkharu al-bahra wa tashuqquhu bi'iznillah allati yunshi'uha al-adamiyun fatakunu min kibariha wa 'idhamiha kal-a'lam وهي الجبال العظيمة فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجارتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم وقد حفظها حافظ السماوات والأرض وهذه من نعم الله الجليلة فلذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a mis à disposition de ses serviteurs des embarcations, des bateaux qui flottent et qui poussent et fendent l'eau de la mer par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des bateaux qu'ont confectionnés les êtres humains. Et de par leur grandeur, ces bateaux sont immenses comme des montagnes. Des bateaux sur lesquels les gens montent, sur lesquels les gens transportent leurs marchandises et leurs différents moyens de commerce dont ils ont besoin et qui est pour eux une nécessité. Et Allah Azzawajal préserve ces bateaux, c'est-à-dire du naufrage. Et ceci est un bienfait immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah Azzawajal dit « فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ » Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous ? C'est Allah Azzawajal qui protège les embarcations, les bateaux du naufrage. ثم قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Versets 26 à 28, Allah Azzawajal dit: tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ay, كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياءه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه فبأي آلاء ربكما تكذبان. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur la terre comme êtres humains, comme djinns, comme bêtes et animaux, et l'ensemble des créatures, tous est éphémère, et tout mourra. Et tout disparaîtra et ne restera que le vivant qui ne meurt jamais, subhanahu wa ta'ala, dhul jalal wa l'ikram, plein de majesté et de noblesse. C'est-à-dire, Allah Azzawajal est l'immense, c'est celui qui est plein d'orgueil, subhanahu wa ta'ala. Et l'orgueil vis-à-vis d'Allah Azzawajal, c'est une qualité. Et c'est un des caractères d'Allah, un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de l'orgueil. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui doit être immensifié de par cela. Pleine de noblesse, Allah azawajal est celui qui accorde des bienfaits immenses. Et Allah azawajal est celui qui est le tout généreux. Et Allah Azzawajal est généreux envers ses alliés, car ses alliés immensifient Allah Azzawajal. Ils l'aiment, ils se repentent à lui et l'adorent, subhanahu wa ta'ala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.